vieille mine brûle comme un secret. Chaque image enflamme mes regrets. Je ferme les yeux, je vois l'écran. Chaque pixel devient désir ardent. Les viewers murmurent dans la nuit, leur souffle doux m'appelle, me suit. Riders qu'il réunit nos voix. Chaque vibration s'élance en moi. Whisper softly, call the gate. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Brighter skill, your voice and mine. Born of gaming, carved in sound. Every whisper pulls us down. Les écrans brillent, je sens vos mains. Chaque souffle s'imprime au matin. Vos regards glissent comme des éclats. Chaque mot secret m'appelle là-bas. Rider's Guild trace la voie, il unit sa voix au de l'infini. Le gaming vibre entre nos veines. Chaque instant nous entraîne. Nos voix flottent, nos cœurs s'élancent. Chaque connexion devient transe. Sous la basse, nos chants. Chaque passion devient centrée. Whisper softly, call the game. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Brighter skill. Your voice and mine. Born of gaming, carved in sound. Every whisper pulls us down. We are riders, skill eternal. And our voices shake the ground. Les vieux soufflent dans le mystère. Le gaming brûle, lumière sincère. Rider's Guild relie chaque âme. Sa voix sombre délie les flammes. Nos murmures s'allongent sans fin. Chaque partie s'écrit demain. Dans ce flux vibrant et discret, chaque désir reste muet. Whisper softly, call the game. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Brighter skill, your voice.